Salut, c'est Mike Lécuyer pour l'émission Blues Covers. Salut toutes tous, on continue l'exploration du thème pop-rock dans le blues. On va commencer avec Maxime Le Forestier. Bon, je sais bien, c'est pas vraiment un artiste blues, mais en 1976, dans un 33 tours qui n'a pas de nom, il publie la chanson « Blues blanc pour un crayon noir ». C'est un excellent morceau qui m'était complètement passé au-dessus de la tête et au-dessus des oreilles à l'époque. Je ne connaissais pas du tout ce morceau. Je l'ai découvert il y a très peu de temps. Et les paroles sont magnifiques. Maxime Le Forestier, Blues blanc pour un crayon noir en 1976. Crayon se mine depuis que j'écris mes chansons comme une machine qui aurait perdu la raison depuis que j'aligne quoi qu'il arrive dans ma vie des points à la ligne dès qu'un couplet se voit fini. Mon stylo chez moi c'est les plumes et marche une demi-fois sur 20. Aux oies, je veux laisser leur plume et la machine aux écrivains. Que j'aille à la mine, de bonheur il n'est pas content et sa grise mine me tire la gueule et pourtant si je fais le cancre dans mon lit, je sens qu'il se fait un mauvais sang d'encre qui tâche mon rêve éveillé. Mon stylo, chez moi, se déplume et marche une demi-fois sur. Pour toi, je laisser leur plume et la machine aux écrivains. Toute la semaine, il avait perdu ses couleurs pour une rengaine qui accouchait dans la douleur. Je sens que j'abuse et je devrais, pour éviter que mon crayon s'use, de temps en temps le faire aider. Mon stylo, chez moi, se déplume. Marche une demi-fois sur 20. Aux oies, je veux laisser leur plume, la machine aux écrivains. Je sens la menace que mon crayon va se tailler sans laisser de trace. Que mon crayon va se casser. Va-t'en ton bonhomme, le chemin où que tu te tires, crayon à la gomme, tu vas pas m'empêcher d'écrire. J'oubliais de préciser que à la guitare, il y avait Geneviève Paris et à l'harmonica, un certain Jean-Jacques Milbeau. Et bien sûr, c'est une faute de frappe sur la pochette. C'est notre Jean-Jacques Milteau national. Maintenant, on va passer à Flo Bauer, qui nous propose une reprise des Rolling Stones. Je ne vous dis pas le titre de la chanson. J'espère, je pense que tout le monde va reconnaître. Flo Bauer a été la révélation blues sur scène, au tremplin, il y a quelques années. Et c'est sur l'album Flo Bauer Blues Project and Guest qu'il y a cette reprise des Stones en 2017. Flo Bauer, ou Bauer. Thank you. life. C'est bien sûr Angie des Stones, une très belle version par Flo Bauer. Et maintenant un petit saut dans le temps des deux côtés, c'est-à-dire que nous sommes en 2020 pour le nouvel album de Benoît Blue Boy et les Tortilleurs, et c'est une chanson de 1961 ou 62, des chats sauvages, pardon, et non pas des chaussettes noires, non, les chats sauvages, qui est elle-même une adaptation d'une chanson américaine, Mean Woman Blues, interprétée entre autres par Elvis Presley ou Vince Taylor. Oui, j'avais ce magnifique 45 tours de Vince Taylor. Et là, c'est Ma petite amie est vache. Oh là là, ça me rappelle des souvenirs au Tréport quand j'avais 11-12 ans et avec mes copains, on mimait les chansons, les 45 tours de tous ces groupes de twist, Chats Sauvages, Chaussettes Noires et autres vautours. Benoît Blue Boy et les Tortilleurs, mais qui sont donc ces Tortilleurs? C'est bien sûr Nico Duportal et Stan Nubarpacha aux guitares, Alexis Bertain à la basse et au sax, et au clavier et au chœur, bah, il sait tout faire. Et Pascal Mucci à la batterie, aux percussions et au chœur. En avant, Benoît, fais-nous tortiller. ¶¶ et par la peur, tu es par ses yeux de malheur. Ma petite amie est vachée, je vous dis que ça, que ça. Parfois elle est encore plus vache que moi. Et si tu te meurs sans le vouloir, elle fait un maillot beurre noir. Ma petite amie est vache et je vous dis que ça. Évidemment, pour ceux qui connaissent les versions originales, ça fait son petit effet la première fois qu'on entend la version de Benoît, car c'est très très différent des morceaux enregistrés au début des années 60. Et c'est ça qui est bien dans les reprises, c'est que ce n'est pas une copie conforme, mais il l'a mis à sa sauce. Et nous allons terminer avec deux autres publications de 2020. Tout d'abord Richard Köchli, un Suisse, et ensuite Eric Ter, un Français, avec tous deux des reprises de J.J. Cale. Alors tout d'abord, Richard Köchli, ou Köchli, je ne sais pas comment on dit, a publié un album entièrement consacré à J.J. Cale qui s'appelle The Real Chill, Remembering J.J. Cale, et accompagné aussi d'un livre en allemand, en papier et en version numérique pour la traduction française. Je n'ai pas vu le bouquin, mais ça a l'air d'être quelque chose de très très conséquent. Je crois qu'il y a plus de 300 pages. Alors, on écoute Carry On par Richard Köchli. Thank you. Et on va terminer ce blues cover consacré encore à la pop rock dans le blues avec Eric Thayer qui publie en 2020 un album qui s'appelle Hérétique. Ce sont 12 chansons de sa composition, sauf une bien sûr, puisque c'est une reprise de J.J. Cale, She's in Love. C'est aussi une grande influence pour Eric Thayer, certainement. Alors voici Eric Thayer, She's in Love, de J.J. Cale, et je vous dis bye bye et à la prochaine. Around with another guy I met only yesterday. He's a hardcore cooker, a fine looker. He took that woman away. He took my woman away. She's in love, she's in love with another man, and that's the way it goes. She's in love, she's in love with another man, a hardcore cooker. He really shook her, you see her, it really shows. Oh yeah. For all me. He drives a fine set of wheels, let me tell ya. He's got it down, oh yeah. He's a real Jim Dandy, I've heard it's so handy. It's such a scene, makes you break out in tears. Yeah, makes you break out in tears. She's in love with another man, and that's the way it goes. She's in love with another man, a hardcore cooker. Really shook her, you see her, really shows. Look at that. Tell her I still love her. No matter what, no matter where, it will be a good day when he goes away. When she comes back around again, when she comes back around again. She's in love with another man. Oh, and that's the way it goes. She's in love with another man, the hardcore cooker. Sugar, you see her, it really shows. Look at that now. C'était l'émission Blues Covers. Choo, choo, choo, choo.